cinquièmement, XVIIIe et XIXe siècles. En 1704, le 19 janvier, les Anglais descendirent sur un point de la Cornouaille qui n'est pas indiqué. Le pays était dégarni de troupes régulières et les milices furent chargées de défendre les côtes. Les bourgeois de Quimper, peu assurés derrière leurs vieilles murailles, envient le sort de leurs voisins de Concarneau, dormant en sûreté à l'abri des murs de Vauban. En 1746, Concarneau put croire qu'il allait expérimenter ses nouvelles batteries. Le 29 septembre, une flotte anglaise de 50 voiles parut en vue. Quelques jours après, un corps de 6 ou 7 000 hommes prenait terre au fond de l'anse du Pouldu, entrée de la rivière de Quimperlé, et marchait sur l'Orient. Le 6 octobre, 6 pièces ouvrirent le feu. Le lendemain, la ville prit le parti de se rendre. Il était trop tard. Ses parlementaires, arrivant aux avant-postes anglais, ne trouvèrent personne à qui parler. L'ennemi avait levé son camp, abandonnant 5 pièces de canon. Il reprit la mer, envoyant un détachement ravager la presqu'île de Quiberon, et la flotte fit voile vers l'Angleterre, rapportant de cette expédition sans gloire les cloches des églises saccagées. Le tocsin sonnant dans toutes les paroisses, à 15 lieues au loin, avait appelé devant l'Orient une multitude de paysans. Ces braves gens crurent que les chefs anglais avaient eu peur d'eux et se vengèrent par des chansons bientôt populaires de la terreur que les Anglais leur avaient causée. La vérité est que cette foule sans ordre et presque sans armes ne pouvait être d'un grand secours. Le contingent fourni par Concarneau valait mieux. C'était un escadron du régiment de Royal Dragon, commandé par un Breton, M. de Kerléan. En même temps, la communauté de Concarneau avait expédié 6 tonneaux de froment évalués 1 200 livres. En 1747, l'année suivante, la communauté est convoquée en hâte par le syndic Billette de Villemeur. Il vient de recevoir avis de la très prochaine arrivée au château du Moreau de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne. De là, le duc viendra en ville. La communauté décide qu'elle se rendra en habits décents et encore au-devant de son Altesse, à l'entrée de la ville, pour lui rendre tous les honneurs possibles. Il n'est pas dit quels honneurs. Pour haranguer son Altesse, la communauté nomme M. Dulaurance sénéchal. En 1760, Concarneau entendit encore, mais de loin, le canon anglais. Il tenait contre Belle-Île, dont le gouverneur M. de Sainte-Croix fut contraint de capituler après une héroïque résistance. Pendant les guerres de la République et de l'Empire, Concarneau a dû être, comme beaucoup de ports, surveillé, menacé, bloqué par des escadres anglaises. Mais on ne garde pas le souvenir d'un coup de canon tiré de ses remparts. Un jour, le 26 août 1806, son port donna asile à un vaisseau, le Vétéran, de 86 canons, commandé par Jérôme Bonaparte. Le Vétéran, poursuivi par une flotte anglaise, était à la merci de l'ennemi quand un marin de Concarneau nommé Furic s'offrit à le conduire à travers les écueils et l'amena sous les murs de la ville au passage de l'Henriec. En septembre suivant, le commandant du Vétéran devenait contre-amiral puis général de brigade. En 1807, il était proclamé roi de Westphalie. Presque un demi-siècle après, en 1852, le roi Jérôme vint en Bretagne. Il voulut revoir Concarneau. Il y arriva le 12 août, presque au jour anniversaire de sa première visite. En 1806, le conseil municipal lui avait demandé l'autorisation de donner à une place le nom du prince Jérôme. En 1852, le conseil lui demanda l'autorisation d'appeler du même nom le pont qui se construisait sur la rivière de Moreau. Plusieurs Concarnois vivaient encore qui avaient vu le prince Jérôme en 1806. Mais le modeste matelot qui avait sauvé le prince et le Vétéran n'était plus. Furic était mort le 21 juin 1851. Sixièmement, dernier gouverneur de Concarneau. Nous avons dit plus haut que l'histoire militaire de Concarneau finit en 1619. Jusqu'à cette date, nous avons nommé les capitaines ou gouverneurs de la place. Et nous avons dit que le gouvernement devint une sinécure entre les mains de la Bérodière, nommé en 1619, et de son fils Pierre-Joseph qui lui succéda et eut le gouvernement jusqu'après 1636. Il nous faut reprendre à cette date la liste des gouverneurs et la dresser jusqu'en 1789. Mais auparavant, quelques observations. Nous avons vu, en 1571, Louis de Lézonnet, nommé capitaine. En 1694, il mourait gouverneur de Concarneau. Je veux dire que les fonctions restant les mêmes, le titre avait changé. Au XIVe et XVe siècle, les chefs militaires des plus grandes places sont dits capitaines. Au XVIe siècle, dans les places importantes, apparaît le titre de gouverneur. L'état des garnisons royales de Bretagne, dressé par le maréchal d'Aumont en 1595, mentionne 33 villes ou châteaux alors soumises au roi. Les capitaines de 12 places principales, au nombre desquelles Concarneau, sont dits gouverneurs. Les capitaines des autres places et des châteaux gardent le titre de capitaine. Les deux titres coexistèrent ainsi, selon cette distinction, pendant quelques années. Mais, comme on devait s'y attendre, des officiers même pourvus de lettres de capitaine s'intitulèrent gouverneurs. Les choses vinrent au point qu'au XVIIIe siècle, le titre de gouverneur était presque seul en usage. Un capitaine, même sans soldat, chargé de la garde d'un vieux château ruiné et depuis longtemps démantelé, se disait gouverneur. Au XVIIe siècle, nous allons voir les conditions du gouvernement absolument changées. D'abord, les gouverneurs ont le titre, sans être tenus à la résidence et sans la garder, du moins le plus souvent. Quand ils sont présents, ils exercent leurs fonctions. Puis, le titre devient purement honorifique, le gouverneur ne réside plus, le lieutenant tient sa place. Mais le titre reste militaire, même quand il appartient, comme nous verrons, à un président au Parlement. Enfin, au lieu d'être donné par le roi en récompense de service, le gouvernement peut être acquis à prix d'argent et devient héréditaire. De ce jour, il cesse d'être militaire et devient purement municipal. C'est ce que nous allons voir. Pierre-Joseph de la Bérodière eut pour successeur Vincent du Parc, marquis de Locmaria, baron du Guerlesquin, le Pontou, vicomte de Trobodène, enseigne de la compagnie des gendarmes de Monseigneur le cardinal de Richelieu, pair de France. Il ne résidait assurément pas à Concarneau. Ce n'est pas dans son gouvernement qu'il aurait pu conquérir le grade de maréchal de camp qu'il obtint en 1651. Il mourut en 1669. Il ne tint pas longtemps le gouvernement qui, dès 1642, était aux mains de François Duparc, seigneur de Kerenroux. Il semble que celui-ci avait commencé par être lieutenant du précédent, peut-être son père. Après eux, le titre devient purement honorifique aux mains de Christophe Fouquet, chevalier, seigneur de Châlins, conseiller du roi, président au Parlement de Bretagne. Le président au Parlement est dispensé de la résidence à Concarneau. Toutefois, nous le trouvons dans son gouvernement en 1647. Il y signe comme parrain le 17 décembre et sa femme, dame de Kersaudy, est marraine quelques jours après avec l'évêque de Cornouailles, Mgr René Dulouette. Nous trouvons le président et sa famille à Concarneau en 1648, où François Fouquet, fils du président, est parrain le 9 septembre. À cette époque, le président avait pour lieutenant, remplissant les fonctions de gouverneur, Jean de Montlouis, seigneur du Boucher, que nous avons vu 15 ans plus tôt, lieutenant de la Bérodière, baptême du 3 août 1648. Le 17 novembre 1651, le président nomme de son nom et de celui de son fils un fils de son lieutenant, et le père et le fils signent l'acte. Dans le même temps, François Fouquet est parrain d'un autre enfant auquel il donne le nom de son père, Christophe. L'année suivante, en l'absence du gouverneur, le lieutenant recevait du duc de Vendôme, grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce, un ordre du 31 juillet de donner aux sieurs de la Gisclay, des Ardins et des Turelles toute aide et toute assistance pour l'exécution des ordres dont ils étaient porteurs et de ne souffrir aucunement dans le port de Concarneau le nommé Jacob Duquesne, ni même le vaisseau qu'il monte, le Neptune. Le président a pour successeur Pierre de Regnault, seigneur des Landes, commandant, c'est-à-dire gouverneur, des villes et châteaux de Conques. Ainsi est-il qualifié dans un baptême du 20 janvier 1659, où il est parrain. En 1662, le gouverneur est François de Vaucouleurs, chevalier, seigneur de Vaucouleurs. Il est parrain le 16 mai d'un fils du chirurgien-major Satabin, nommé plus haut. le chevalier François de Vaucouleurs a résidé souvent, sinon toujours, dans son gouvernement. Il y est parrain de proche en proche, en 1663, 64, 66, mai et novembre, 67, 68, 70 et 1676. Il donna même à son fils le nom de Guénolé. Son fils, François Guénolé, lui succéda. Il prend le titre de gouverneur dans des actes de baptême de 1680, 92, 96. Et le 28 septembre 1704, il signe un acte de mariage. De ce jour, les noms des gouverneurs de Concarneau disparaissent des registres paroissiaux. Pendant un demi-siècle, de 1704 à 1754, je ne puis nommer un seul gouverneur de Concarneau. L'état militaire permettrait de présumer une vacance vers cette époque, et l'édit que nous allons faire connaître autorise cette supposition. Un édit enregistré au Parlement de Bretagne le 27 septembre 1696, et sur lequel fut rendu un arrêt du Conseil du 1er juin 1766, portait la création de gouverneurs héréditaires dans toutes les villes du royaume. C'était un de ces titres inutiles, mais pouvant flatter la vanité et faire entrer quelque argent au trésor. Toutefois, le roi continuait à donner des gouvernements en récompense de services militaires ou civils. C'est ainsi qu'en 1754, le roi nomma gouverneur de Concarneau M. Le Lagadec, d'une ancienne famille de Basse-Bretagne. C'est le dernier des gouverneurs de Concarneau qui figure à l'état militaire. J'y trouve son nom en 1776. Le Lagadec, nommé par le roi, sans bourse déliée, était gouverneur militaire et sa charge n'entrait pas dans sa succession. Après lui, son fils aura le gouvernement de Concarneau, mais à un autre titre, il sera gouverneur municipal. En 1782, M. Le Lagadec, fils, capitaine au régiment de Languedoc, acquit la charge au terme de l'édit de 1696 pour une somme de 10 000 livres. Il ne résidera pas, c'est un titre sans obligation aucune. Les émoluments consistent dans le titre des appointements de 800 livres, plus 10% sur la finance, arrêt du 1er juin 1766, c'est-à-dire l'intérêt annuel à 10% de la somme de 10 000 livres, soit 1 000 francs. Le nouveau gouverneur réclame en plus 300 livres payés selon l'usage à son père pour indemnité de logement, bien qu'il ne réside à Pan. L'intendant rejette cette prétention. M. Le Lagadec, répond-il, n'a pas recueilli le gouvernement héréditairement. Il ne l'a pas reçu du roi en récompense de services militaires. Il en est seulement acquéreur aux conditions fixées par l'arrêt de 1766. Il n'est pas tenu à la résidence et la ville n'a pas à payer les 300 livres puisqu'elle ne retire aucune utilité de son gouvernement.